En Corée, la semaine de cinéma est commencée à l'occasion de la journée de la brillante étoile. On projettera des documentaires de la vie révolutionnaire immortelle du général Kim Jong-il et des films artistiques montrant la noble vertu spirituelle et la conception de vie véritable de l'armée et du peuple coréen au cinéma et maison de culture de la capitale Pyongyang et des provinces. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 9 au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont participé des cadres intéressés, des créateurs et artistes du domaine cinématographique, ainsi que des travailleurs de la capitale. Après la cérémonie d'ouverture, les participants ont vu la 24e partie « Bienfaiteur de la vie éternelle » du documentaire « Le giron de la vie honorée ». Le même jour, la semaine de films est commencée dans toutes les provinces.